production, yeah. Et à deux ans. Frérot, la lune, on veut la décrocher, même si elle est si haute. On a le courage entre les deux mains, on veut faire le grand saut. Ici, c'est l'enfer, alors comme les anges, on veut voler si haut. La vie, c'est dur, tu peux en devenir fou, pour ça qu'ils font le grand saut. J'ai hâte de faire le grand saut. Poussés sont les métaphores de mes mots. Pour les critiques, s'assassinent pour une égo. J'écrirai jusqu'à en crever, j'ai un teint d'inspi. Bloqué, je suis comme les juifs qui attendent l'euthanasie. La gloire vient par le taf, ça arrive pas par magie. En PRJ, j'étouffe comme si j'allais crever d'une pubalgie. Mes mots trouvent le confort, frère, dans ton être. Et la deux S dans le plus profond de mon spectre. Parfois les gens changent, se défilent peut-être. Évadés sont le visage de nos mères par les fenêtres. Trop ne comprennent pas mes écrits et c'est navrant. Je réciterai mes périples comme ça dorénavant. Je suis sûr de ma force, pour le reste c'est rageant. Je suis riche dans le cœur, nul besoin ton argent. Malgré l'ordi, je ne dois rien à l'ordu. Derrière l'ordi, je te fais couler des larmes à t'en faire perdre la vue. Frérot, la lune, on veut la décrocher, même si elle est si haute. On a le courage entre les deux mains, on veut faire le grand saut. Ici c'est l'enfer, alors comme les anges, on veut voler si haut. La vie c'est dur, tu peux en devenir fou, pour ça qu'ils font le grand saut des sages. On est ce qu'on est, parce qu'ils disent qu'on est devenu. Matt, laisse la vibe, tu as le chant de la rue. Fan frenu, miracle, ma foi fait des disparus. Les coups de pute blessent ma gueule et c'est ce qui nous tue. Le temps passe, lentement, cellule. Des bombes pour cramer cette putain de cellulite. 94% d'azimut. Ils frapperont fort dans le calcif pour savoir ce que t'as dans le fut. J'attends un miracle comme un expatrié. Mon cœur est mort, j'attends donc de me faire greffer. J'ai la patte du faucon, ma plume est griffée. Je suis comme un phénix, je rône.